بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre Ta'zim al-Salah, la lecture du livre Le respect de la Salat. On est dans le statut de la Salat. Il y a une importance, le statut de la Salat. Makanat al-Salah. Et donc le cheikh Abdel Razak al-Badr, hafizahullah, il dit « فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَن نُحَافِذْ عَلَى هَذِهِ الطَّاعَ الْجَلِيلَةِ وَالْعِبَادَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَدَتَيْنِ » Donc notre obligation, notre devoir, c'est de préserver cette obligation, cette grande obligation, cette adoration qui est le plus grand pilier de l'islam après les deux témoignage. وأن نحذر أشد الحذر من سبيل المجرمين الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Et également, nous devons avertir de l'avertissement le plus sévère de la voix des criminels, ceux qui, lorsqu'on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. وهذا وليحذر العبد أن يتعظم في نفسه ويعجب بحاله وعمله ويغفل عن تعظيم سيده ومولاه. Donc le cheikh dit aussi, d'un autre côté, il faut faire attention aussi que le serviteur ne va pas s'agrandir sa propre personne et qu'il soit ébloui de son état et de ses actions, de dire ah, moi je fais la salat, je viens à la prière de Fajr, je fais beaucoup d'adoration, je suis un bon serviteur. Ça, c'est dangereux. Et en même temps, tu deviens insouciant du vrai respect et de l'exaltation de ton Seigneur, du respect que tu dois à ton maître, Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَعْظِيمِ شَعَائِرِهِ فَيَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Également du respect de ses rites et des principes de sa religion. Alors tu fais partie des perdants dans ce cas-là. Il dit wa an Khalid ibn Umair al-Adawi qala khatabana Utba ibn Ghazwan fa hamida Allah wa athna alayhi thumma qala amma ba'd fa inna ad-dunya qad azanat bi surmin wa wallat hadaa'a ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها فإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه إذا ذكر لنا أن الحجر يلقى في شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليها يوم وهو كضيذ من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام ولا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا والتقت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون في آخر عاقبتها ملكا فتستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا رواه مسلم. نعم. C'est une narration qui est un peu longue. C'est rapporté selon Khalid ibn Umair al-Adawi. Et il dit que Utba ibn Ghazwan, il nous a fait un serment. Et il a glorifié Allah. Puis après, il a dit ensuite, yani il a mis en garde par rapport à la dunya pour faire comprendre que la dunya, yani, il n'y a rien qui reste à la fin. Hein? Et yani, c'est comme un contenant que tu renverses à l'envers. Yani. Il se vide complètement. Puis après, vous retournez vers la demeure éternelle. Et vous retournez avec le bien que vous avez préparé pour vous-même. Et il dit, est-ce qu'on ne vous a pas mentionné une pierre qu'on a jetée dans l'enfer? Elle est tombée pendant 70 ans et n'a pas encore touché le fond. Il dit, par Allah, l'enfer va être rempli malgré ça. Est-ce que vous êtes étonnés? Il a dit, et on nous a mentionné que entre les différents côtés du paradis, il y a la distance de 40 ans. Et il dit, et vous allez arriver à un moment, vous allez voir que un jour, elle sera remplie. Hein? Alors, il dit, je me rappelle qu'une fois, on était 7, et j'étais le 7e avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous n'avions même pas de la nourriture, et même pas une feuille d'arbre pour manger. Hein? Et, yani, on avait même des gerçures, yani, et des blessures à cause de ça. Tellement qu'on avait faim, on avait de la sécheresse et tout. Et, il dit, des fois, on trouvait un petit morceau de tissu, et on l'a déchiré en deux, entre moi et Saad ibn Malik, et moi je faisais un vêtement avec la moitié pour couvrir ma taille, hein, et lui il prenait l'autre moitié aussi pour se couvrir. Et il n'y en a pas un d'entre nous aujourd'hui qui n'est pas devenu un amir ou un maire d'une des villes des terres de l'islam. Hein. Et moi je demande à Allah le refuge, et je demande protection à Allah de penser que je suis grand auprès d'un yani que je suis grand et important alors que je suis petit pour Allah. Et il dit, il n'y avait pas une prophétie, un prophète, excepté que elle sait que cette prophétie là s'est succédée et transmise par la suite, excepté que là, à la fin, c'était devenu un royaume. Et yani, فَتَسْتَخْبِرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَى بَعْدَنَا. Donc vous allez tester, vous allez voir, vous allez expérimenter les dirigeants et ceux qui vont être en charge des musulmans après nous. Ça c'est rapporté par Muslim. Hein. Et il dit, wa nasallallahu jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula ay na'am an yu'idhana ajma'in min sabil al-mujrimin wa an yuwaffiqana lil-muhafazati ala ta'atihi wa an yu'idhana ala al-muhafazati ala as-salat. Allahumma ja'alna min al-muqimin as-salat. Allahumma waffiqna lil-inayati biha وأدائها كما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. Donc le cheikh il termine par une invocation. Il dit, on demande à Allah par ses noms, par ses plus beaux noms et ses attributs les plus élevés, de nous préserver tous contre le chemin des criminels et de nous donner le succès de pouvoir préserver son obéissance et de nous aider à garder la salat, hein, de la faire comme il faut. Et on demande au Allah de nous mettre parmi ceux qui établissent la salat. Au Allah, donne-nous le succès et l'aide pour la faire comme tu aimes et comme tu l'agrées. Au toi qui détiens la majesté et la noblesse. Donc ça c'est la fin de cette partie de ce chapitre. Donc on s'arrête ici inshallah. Demain on va commencer un autre chapitre qui s'appelle Mawqifan Aziman, c'est-à-dire deux situations ou deux positions très importantes. Donc alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وفيك بركه.